Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. Mais s'il avait placé près de moi beaucoup d'amour, il en avait mis aussi dans mon petit cœur, le créant aimant et sensible. Aussi j'aimais beaucoup papa et maman, et leur témoignais ma tendresse de mille manières, car j'étais très expansive. Seulement les moyens que j'employais étaient parfois étranges, comme le prouve ce passage d'une lettre de maman. Le bébé est un lutin sans pareil, elle vient me caresser en me souhaitant la mort. Oh, que je voudrais bien que tu mourais, ma pauvre petite mère. On la gronde, elle dit. C'est pourtant pour que tu ailles au ciel, puisque tu dis qu'il faut mourir pour y aller. Elle souhaite de même la mort à son père, quand elle est dans ses excès d'amour. Le 25 juin 1874, alors que j'avais à peine 18 mois, voici ce que maman disait de moi. Votre père vient d'installer une balançoire. Céline est d'une joie sans pareille, mais il faut voir la petite se balancer. C'est risible, elle se tient comme une grande fille. Il n'y a pas de danger qu'elle lâche la corde, puis quand ça ne va pas assez fort, elle crie. On l'attache par devant avec une autre corde, et malgré cela, je ne suis pas tranquille quand je la vois perchée là-dessus. Il m'est arrivé une drôle d'aventure dernièrement avec la petite. J'ai l'habitude d'aller à la messe de 5h30. Dans les premiers jours, je n'osais pas la laisser, mais voyant qu'elle ne se réveillait jamais, j'ai fini par me décider à la quitter. Je la couche dans mon lit et j'approche le berceau si près qu'il est impossible qu'elle tombe. Un jour, j'ai oublié de mettre le berceau. J'arrive et la petite n'était plus dans mon lit. Au même moment, j'entends un cri. Je regarde et je la vois assise sur une chaise qui se trouvait en face de la tête de mon lit. Sa petite tête était couchée sur le traversin et là, elle dormait d'un mauvais sommeil car elle était gênée. Je n'ai pas pu me rendre compte comment elle était tombée assise sur cette chaise puisqu'elle était couchée. J'ai remercié le bon Dieu de ce qui ne lui était rien arrivé. C'est vraiment providentiel. Elle devait rouler par terre, son bon ange y a veillé. Et les âmes du purgatoire auxquelles je fais tous les jours une prière pour la petite l'ont protégée. Voilà comment j'arrange cela. Arrangez-le comme vous voudrez. À la fin de la lettre, maman ajoutait « Voilà le petit bébé qui vient me passer sa petite main sur la figure et m'embrasser. Cette pauvre petite ne veut point me quitter. Elle est continuellement avec moi. Elle aime beaucoup à aller au jardin. Mais si je n'y suis pas, elle ne veut pas y rester et pleure jusqu'à ce qu'on me la ramène. » Voici un passage d'une autre lettre. La petite Thérèse me demandait l'autre jour si elle irait au ciel. Je lui ai dit que oui, si elle était bien sage. Elle me répond « Oui, mais si je n'étais pas mignonne, j'irais dans l'enfer. Mais moi, je sais bien ce que je ferais. Je m'envolerais avec toi qui serais au ciel. Comment que le bon Dieu ferait pour me prendre? Tu me tiendrais bien fort dans tes bras. » J'ai vu dans ses yeux qu'elle croyait positivement que le bon Dieu ne lui pouvait rien si elle était dans les bras de sa mère. Marie aime beaucoup sa petite sœur, elle la trouve bien mignonne. Elle serait bien difficile car cette pauvre petite a grand peur de lui faire de la peine. Hier, j'ai voulu lui donner une rose, sachant que cela la rend heureuse, mais elle s'est mise à me supplier de ne pas la couper. Marie l'avait défendue, elle était rouge d'émotion. Malgré cela, je lui en ai donné deux. Elle n'osait plus paraître à la maison. J'avais beau lui dire que les roses étaient à moi, mais non, disait-elle, c'est à Marie. C'est une enfant qui s'émotionne bien facilement. Dès qu'elle a fait un petit malheur, il faut que tout le monde le sache. Hier, ayant fait tomber sans le vouloir un petit coin de la tapisserie, elle était dans un état à faire pitié. Puis il fallait bien vite le dire à son père. Il est arrivé 4 heures après, on n'y pensait plus. Mais elle est bien vue de venir dire à Marie « Dis vite à papa que j'ai déchiré le papier. » Elle est là comme un criminel qui attend sa condamnation. Mais elle a dans sa petite idée qu'on va lui pardonner plus facilement si elle s'accuse. J'aimais beaucoup trop ma chère marraine. Sans en avoir l'air, je faisais une grande attention à tout ce qui se faisait et se disait autour de moi. Il me semble que je jugeais des choses comme maintenant. J'écoutais bien attentivement ce que Marie apprenait à Céline, afin de faire comme elle, après sa sortie de la visitation, pour obtenir la faveur d'être admise dans sa chambre, pendant les leçons qu'elle donnait à Céline. J'étais bien sage et je faisais tout ce qu'elle voulait. Aussi me comblait-elle de cadeaux qui, malgré leur peu de valeur, me faisaient beaucoup de plaisir. J'étais bien fière de mes deux grandes sœurs, mais celle qui était mon idéal d'enfance était Pauline. Lorsque je commençais à parler et que maman me demandait « À quoi penses-tu ?», la réponse était invariable « À Pauline ». Une autre fois, je faisais aller mon petit doigt sur les carreaux et je disais « J'écris Pauline ». Souvent, j'entendais dire que bien sûr, Pauline serait religieuse. Alors, sans trop savoir ce que c'était, je pensais « Moi aussi, je serai religieuse ». C'est là un de mes premiers souvenirs et depuis, jamais je n'ai changé de résolution. Ce fut vous, ma mère chérie, que Jésus choisit pour me fiancer à lui. Vous n'étiez pas alors auprès de moi, mais déjà un lien s'était formé entre nos âmes. Vous étiez mon idéal. Je voulais être semblable à vous. Et c'est votre exemple qui, dès l'âge de 2 ans, m'entraîna vers l'époux des vierges. Oh, que de douces réflexions je voudrais vous confier. Mais je dois poursuivre l'histoire de la petite fleur, son histoire complète et générale. Car si je voulais parler en détail de mes rapports avec Pauline, il me faudrait laisser tout le reste. Ma chère petite Léonie tenait aussi une grande place dans mon cœur. Elle m'aimait beaucoup. Le soir, c'était elle qui me gardait quand toute la famille allait se promener. Il me semble entendre encore les gentils refrains qu'elle chantait avant de m'endormir. En toute chose, elle cherchait le moyen de me faire plaisir. Aussi, j'aurais eu bien du chagrin de lui causer de la peine. Je me rappelle très bien sa première communion, surtout du moment où elle me prit sur son bras pour me faire entrer avec elle au presbytère. Cela me paraissait beau d'être portée par une grande sœur, tout en blanc comme moi. Le soir, on me coucha de bonne heure car j'étais trop petite. Le soir, on me coucha de bonne heure car j'étais trop petite pour rester au grand dîner. Mais je vois encore papa qui vint au dessert, apportant à sa petite reine des morceaux de la pièce montée. Le lendemain, ou peu de jours après, nous sommes allés avec maman chez la petite compagne de Léonie. Je crois que c'est ce jour-là que cette bonne petite mère nous a emmenés derrière un mur pour nous faire boire du vin après le dîner que nous avait servi la pauvre dame d'Agourou. Car elle ne voulait pas faire de peine à la bonne femme, mais aussi voulait que nous ne manquions de rien. Ah, comme le cœur d'une mère est délicat, comme il traduit sa tendresse en 1000 soins prévoyants auxquels personne ne penserait. Maintenant, il me reste à parler de ma chère Céline, la petite compagne de mon enfance, mais les souvenirs sont en telle abondance que je ne sais lesquels choisir. Je vais extraire quelques passages des lettres que maman vous écrivait à la visitation, mais je ne vais pas copier, ce serait trop long. Le 10 juillet 1873, l'année de ma naissance, voici ce qu'elle vous le disait. La nourrice a amené la petite Thérèse jeudi. Elle n'a fait que rire, c'était surtout la petite Céline qui lui plaisait. Elle riait aux éclats avec elle. On dirait qu'elle a déjà envie de jouer, cela viendra bientôt. Elle se tient sur ses petites jambes, raide comme un petit piquet. Je crois qu'elle marchera de bonne heure et qu'elle aura bon caractère. Elle paraît très intelligente et a une bonne figure de prédestinée. Mais ce fut surtout après ma sortie de nourrice que je montrais mon affection pour ma chère petite Céline. Nous nous entendions très bien, seulement j'étais bien plus vive et bien moins naïve qu'elle. Quoique de 3 ans et demi plus jeune, il me semblait que nous étions du même âge. Voici un passage d'une lettre de maman qui vous montrera combien Céline était douce et moi méchante. « Ma petite Céline est tout à fait portée à la vertu. C'est le sentiment intime de son être. Elle a une âme candide et horreur du mal. Pour le petit furet, on ne sait trop comment cela fera. C'est si petit, si étourdi. Elle est d'une intelligence supérieure à Céline, mais bien moins douce, et surtout d'un entêtement presque invincible. Quand elle dit non, rien ne peut la faire céder. On la mettrait une journée dans la cave qu'elle y coucherait plutôt que de dire oui. Elle a cependant un cœur d'or. Elle est bien caressante et bien franche. C'est curieux de la voir courir après moi, pour me faire sa confession. « Maman, j'ai poussé Céline qu'une fois. Je l'ai battue une fois, mais je ne recommencerai plus. C'est comme cela pour tout ce qu'elle fait. » Jeudi soir, nous avons été nous promener du côté de la gare. Elle a absolument voulu entrer dans la salle d'attente pour aller chercher Pauline. Elle courait devant avec une joie qui faisait plaisir, mais quand elle a vu qu'il fallait s'en retourner sans monter en chemin de fer pour aller chercher Pauline, elle a pleuré tout le long du chemin. Cette dernière partie de la lettre me rappelle le bonheur que j'éprouvais en vous voyant revenir de la visitation. Vous, ma mère, me preniez sur vos bras et Marie prenait Céline. Alors je vous faisais 1000 caresses et je me penchais en arrière afin d'admirer votre grande natte. Puis vous me donniez une tablette de chocolat que vous aviez gardée 3 mois. Vous pensez quelle relique c'était pour moi? Je me rappelle aussi du voyage que j'ai fait au Mans. C'était la première fois que j'allais en chemin de fer. Quelle joie de me voir en voyage seule avec maman. Cependant, je ne sais plus pourquoi, je me suis mise à pleurer et cette pauvre petite mère n'a pu présenter à ma tante du manque un vilain petit laidron tout rouge des larmes qu'il avait répandues en chemin. Je n'ai gardé aucun souvenir du parloir, mais seulement du moment où ma tante m'a passé une petite souris blanche et un petit panier en papier Bristol rempli de bonbons sur lesquels trônaient deux jolies bagues en sucre, juste de la grosseur de mon doigt. Aussitôt, je m'écriai « Quel bonheur, il y aura une bague pour Céline !» Mais, ô douleur, je prends mon panier par l'anse, je donne l'autre main à maman et nous partons. Au bout de quelques pas, je regarde mon panier et je vois que mes bonbons étaient presque tous semés dans la rue, comme les pierres du petit pousset. Je regarde encore de plus près et je vois qu'une des précieuses bagues avait subi le sort fatal des bonbons. Je n'avais plus rien à donner à Céline. Alors ma douleur éclate, je demande à retourner sur mes pas. Maman ne semble pas faire attention à moi, c'en était trop. À mes larmes succèdent mes cris. Je ne pouvais comprendre qu'elle ne partageât pas ma peine, et cela augmentait de beaucoup ma douleur.